Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des Jeux du Québec qui se déroulent actuellement à Thetford Mines. La région a récolté une 15e médaille à sa récolte. Il s'agit du cycliste Raphaël Labbé qui a remporté une médaille d'argent dans la classe minime. Il y avait un autre espoir de médaille, soit Alison Gobin en pentation, 50 mètres d'eau. Elle a fini en 4e position. Au soccer masculin, victoire de 2-1 du Saguenay-Lac-Saint-Jean contre l'Abitibi-Témiscamingue. Au basketball, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a gagné 58-55 contre la Rive-Sud. Pour en savoir davantage, vous pouvez écouter le reportage que j'ai fait avec Michel Lallemand dans la section entrevue de danradiosport.com. Parlons maintenant de football. On sait qu'on a annoncé mercredi que le football senior est de retour dans la région. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, j'ai parlé avec Pierre-Luc Bouchard. Et Pierre-Luc Bouchard, qui sera l'instructeur-chef, nous mentionne dans un premier temps que c'est un projet qu'on a travaillé de longue haleine. On travaille sur le projet en groupe. On se faisait des rencontres assez régulièrement. Toujours les points chauds qui étaient à la base... trouver des solutions pour ramener le football à la région, ramener l'intérêt chez les jeunes, parce que ouais. On a des très bons programmes dans la région, mais malheureusement, on a moins d'inscriptions. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est donner plus de visibilité au football, essayer de se rapprocher un petit peu plus de la communauté ici, en s'impliquant un peu plus, et aussi en essayant de montrer un bon football sur le terrain. Le football a quand même doit redorer son blason. C'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires de commotion cérébrale. Et là-dessus, Pierre-Luc Bouchard a mentionné qu'il va y avoir une synergie qui va être faite avec le football collégial et les footballs des écoles secondaires. Dans le fond, quand on va avoir des matchs de football, on va inviter toutes les organisations de football de la région à venir assister à nos matchs. On va avoir des arrangements avec les clubs collégiaux aussi pour... mettons, vos joueurs, s'ils veulent venir au match, ils vont juste à mettre leur chandail de match. Ça va être gratuit pour les joueurs de football de la région. Le but, c'est vendre le football. Nous, là, on est une OSB. On veut pas faire d'argent en présentant du football. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir du beau football, puis aussi aider les autres clubs de la région. Comme le 1er septembre, on va faire un événement pour aider le patron de Jonquière. Mais tu sais, notre prochain événement, on a prévu de faire une autre activité de financement, mais après ça, pour donner une partie des profits pour un club de football dans la région qui est... On l'a pas encore décidé, on va tendre des perches, mais tu sais, il y a toujours des clubs de football qu'on peut aider en donnant un petit peu d'argent pour des achats d'équipements, payer des coachs, le football, ça coûte cher à rouler, puis malheureusement, dans la région, c'est un sport qui est encore un petit peu dans l'ombre du hockey, fait que nous, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'aider un peu à redorer le blason, puis on va essayer d'aider tout le monde en faisant des activités financières et en redonnant à notre communauté aussi. OK. Si on parlait un peu du coup, dans un dernier temps, Pierre-Luc Bouchard mentionne aussi que c'est l'équipe, pas juste du Saguenay, mais l'équipe également du Lac-Saint-Jean. On n'oublie pas que le Lac-Saint-Jean est une très bonne pépinière de développement de joueurs et d'athlètes incroyables. Juste aux Jeux olympiques, les patineurs de vitesse, combien de patineurs de vitesse proviennent de Saint-Félicien, tu sais? C'est la même chose au football un peu. Shane Gauthier, Alexandre Gagnon, Philippe Lavoie qui vient de gagner tout dernièrement la médaille d'or avec l'équipe Canada contre le Mexique en finale. Il y a des super bons athlètes dans la région du Lac-Saint-Jean. Puis j'ai déjà tendu des pêches avec des gars avec qui j'ai joué, avec qui des gars que j'ai déjà coachés. Les réponses sont très positives. Notre but, c'est d'avoir la meilleure organisation sur le terrain. Fait que nous, que tu viennes du Saguenay ou que tu viennes du Lac-Saint-Jean, si tu es un gars qui t'intéresse à représenter les mercenaires et à être un excellent joueur de football, un excellent ambassadeur pour le football dans la région, parlons maintenant de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer de la région. Donc, d'abord, à noter que le FC de Saint-Félicien en U14 a gagné 7-0 contre le Mistral Jonquière et le FC du Fjord a défait le FC du Lac 5-0. Et il y avait également d'autres matchs et aussi que le Chinook de Chicoutimi a défait le Boreal d'Allemand 3-0 dans un match de senior masculin Division 1. Également, c'est la Ligue de Ballande de Saint-Félicien. Il y avait des matchs cette semaine dans la Ligue de Ballande. On va vous donner les résultats les résultats d'abord. À noter que le Kenworth a défait Polaire Plus 22-8, 18-11, un gain des rookies contre les Brewers. Et le Son Express a défait les gars du Durant 22-3. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, j'ai parlé avec Bernard Barré. Demain, c'est le combat entre Aldea Alvarez et également Sergei Kovalev. Je me suis entretenu aussi avec Michel Lallemand, où on fait la chronique du club de golf de Chibougamau plutôt. Et vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.